Exercice 7, page 84. Virelangue. Ce seau saute tout autour et sort tôt. Ce seau saute tout autour et sort tôt. Ce seau saute tout autour et sort tôt.